je ne pas avoir pour habitude de me plaindre du monde, d'habitude j'en ris. Je compte déjà trop de similitudes entre ces derniers jours, hier et aujourd'hui. Et j'ai beau m'appliquer et donner de l'amplitude à mes gestes qui sont toujours autant précis. Je balaie les allées, balaie mes certitudes, sans jamais arriver à balayer ma vie, sans jamais dépasser ma lourde lassitude, puisque tout recommence du lundi au lundi. Sans maudire, je rêve à d'autres latitudes et retombe aussitôt le nez dans le cambouis. Et retombe aussitôt le nez dans le cambouis. Pardonnez-moi, j'oublie de donner le prélude en révélant d'abord le nom de mon souci. Non, ce sera bien loin du mal de l'altitude. Je rame plus que je grimpe et ce mal, c'est l'ennui. Empêtré jusqu'au cou dans cette servitude, j'attaque la pente mais je n'ai plus d'appui. Et c'est bien de cela que vient mon inquiétude. Je glisse et je trébuche, ne trouvant plus ici fleur de gentillesse, ni fruit de gratitude, mais la mousse qui fait glisser mon rocher gris. Vous pouvez trouver là une similitude avec une histoire qui vous fera envie. Avec une histoire qui vous fera envie. Je dois bien bouffer, bouffe ma solitude. Je pousse la poussière et poussette les prix. Dans les grands magasins, le petit peuple est rude. Transpire sa pitié et coule son mépris. Bien qu'il n'ait pas non plus de divine aptitude et qu'il pousse un rocher que l'on nomme caddie. Et qu'il pousse un rocher que l'on nomme caddie.